pas là. Hey Joe, I'm going to kill. Merde, j'ai fermé là. J'ai la batterie. Faut que je retrouve la batterie dans toutes ces pistes là. C'est quoi ça? Ah merde. Ça c'est quoi ça? Non, bah, je sais plus ce que c'était encore. Joe. radio. T'es trop fort, hein. c'est une marque compacte, je vous déconseille fortement. Thank you. Hey June, sit down. Where you gonna run to now? Yeah. arrêter là. Ça suffit, Joe. Tu commences à nous casser les bonbons. Accorder ma guitare en un seul geste. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas quoi faire.